Alors, mon nom est Aline German. J'ai 29 ans. Et je suis né en Transylvanie, Roumanie. J'étais encore enfant, j'avais environ 6 ou 7 ans. J'habitais dans la République socialiste de Roumanie. Ma maman a fait des efforts énormes pour pouvoir m'acheter un lecteur 33 tours de disque vinyle. À l'époque, il n'y avait pas de CD, juste un peu de cassette, mais c'était surtout les disques vinyle. Elle a fait la file durant une journée devant le magasin pour pouvoir acheter le fameux lecteur. Et encore mieux, elle a réussi à acheter un très beau disque avec la trompette de Nino Rossi. Alors, comme c'était l'unique disque que j'avais à disposition durant plusieurs semaines, pour rappel, les magasins étaient pratiquement vides hein, à l'époque. Je l'ai écouté, jusqu'à en connaître les moindres détails musicaux. Alors, ma musique est, bon, d'une part, est assez variée, parce que je compose pour le concert, le théâtre ou le film. Donc, c'est pas toujours la même musique, enfin, c'est pas le même genre de musique. Je dirais que c'est plus un véhicule complexe, dense, éclectique, technique aussi, qui transporte des émotions. Les situations surréalistes m'inspirent également, me redonnent courage et me montrent à nouveau une chose essentielle, c'est que tout est possible. Donc, ce qui m'inspire, c'est la liberté.